Avec Audiolib, écoutez le prix Goncourt. Pour le commerce, la guerre présente beaucoup d'avantages, même après. Au revoir là-haut, de Pierre Lemaître, en librairie et sur audiolib.fr. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Ce soir, sur France 3, à 20h45, Franck Ferrand nous propose un nouveau numéro de L'ombre d'un doute. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. On l'a même entendu dans le... vous avez entendu dans l'écran tout à l'heure. L'édition de ce soir, faut vous dire que ça n'est pas n'importe laquelle. Elle me tient spécialement à cœur, puisqu'il va y être question de Versailles. Une promenade à travers les jardins et le château, qui sera aussi, évidemment, comme toujours dans L'ombre d'un doute, une promenade dans le temps. Et nous serons fidèles au rendez-vous. Au cœur de l'histoire d'aujourd'hui, vous avez convié Jean Descartes. Eh oui, Jean Descartes, qui connaît le Second Empire, entre autres, comme personne, et avec qui je suis impatient d'évoquer le destin tragique de l'autre aiglon, si j'ose dire, le prince impérial. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Sophie sur les origines du poste de maire de Paris. Question d'actualité, s'il en fut. Pour le moment, je vous propose de suivre le jeune prince impérial dans son expédition en pays zoulou. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Aujourd'hui, tout le monde ou presque a oublié le prince impérial, le fils de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, mais de son vivant, celui qui était appelé à devenir Napoléon IV, normalement, a été adulé par la France entière. La chute du Second Empire l'a terrassé en pleine jeunesse, elle l'a conduit à l'exil et à ses humiliations. Étrange destin tout de même, une enfance de rêve, de féerie, de bonheur intégral. Dites-vous bien qu'à sa naissance en 1856, il est le fils d'un empereur déjà bien avancé en âge, puisque Napoléon III a presque 50 ans, et d'une impératrice qui attendait en vain depuis 3 ans de donner un héritier au régime. Autant dire que le père se montre d'entrée de jeu papa gâteau et la mère en extase devant ce petit miracle vivant qui plus est un très bel enfant. Un détail qui peut paraître secondaire a priori, mais dont vous comprendrez bientôt l'importance, c'est un peu la reine Victoria qui avait permis au couple impérial de sortir de sa stérilité. En effet, au moment d'un voyage officiel en Angleterre, à la fin de l'hiver 55, Eugénie a confié ses angoisses à la reine d'Angleterre à propos de son incapacité à donner un fils à son mari. Et Victoria, qui en savait long sur le chapitre, elle-même avait eu 8 enfants, a dédramatisé la situation. Elle a trouvé sans doute les mots pour rendre Eugénie confiante. Et mieux que ça, elle lui a donné un certain nombre de conseils très pratiques et lui a offert les services de son propre gynécologue. Résultat, 10 mois plus tard, on apprenait que l'impératrice des Français attendait un heureux événement et l'année suivante, le trône avait donc un héritier. On dit que les peuples heureux n'ont pas d'histoire, eh bien les jeunesses heureuses ne présentent pas non plus grand-chose de bien passionnant. Il faut imaginer le petit prince impérial surnommé Loulou à la cour. Il s'appelle Eugène Louis. Il faut l'imaginer, ce prince chéri des Français, en tout cas de la majorité des Français, faisant perdre la tête à ses nourrices et à ses gouverneurs dans les palais où tout n'est que fêtes, balles, chasses et promenades. C'est cette époque insensée de la fête impériale, des grandes soirées des Tuileries et des séries de Compiègne. Le seul souci de Loulou dans la vie, encore n'en est-il pas vraiment conscient pour le moment, c'est la sollicitude pesante de maman. Il est vrai que l'impératrice est douce et attentionnée, mais sans doute un peu trop attentionnée. On peut dire que Eugénie est une mère abusive qui a tendance à couver son enfant, au point peut-être de lui inspirer de la gêne, ce que nous appellerions aujourd'hui un complexe. Ainsi, quand à l'âge de 14 ans tout de même, le prince est autorisé à accompagner son père à la guerre, on est là dans la funeste campagne de 1870, on voit l'impératrice fondre en larmes, couvrir son fils de baisers en public, ce qui est toujours un peu embarrassant pour un jeune homme, et suivre ses faits et gestes par dépêches interposées, ce dont l'opposition, qui depuis quelques années a repris du poil de la bête, fait des gorges chaudes. Alors comme ça, le petit chéri s'en va en guerre, lit-on dans les journaux républicains, qui évidemment s'en donnent à cœur joie. Or, Eugénie ne va rien faire pour que ça cesse. Lors de l'engagement armé de Sarrebruck, l'empereur, tout fier, télégraphie à sa femme une dépêche confidentielle pour lui dire que Loulou a subi très courageusement l'épreuve du feu, si courageusement même qu'on l'a vu sous la mitraille ramasser une balle tombée à quelques pas de lui. L'impératrice est émue aux larmes. Elle se laisse aveugler sans doute par la fierté maternelle et elle montre la dépêche à tout le monde, au point que le Premier ministre croit faire sa cour en faisant publier la dépêche au moniteur. Vous imaginez l'effet produit, la presse satirique s'empare aussitôt de la nouvelle, on ironise à l'infini, on n'appelle plus Loulou que l'enfant de la balle ou le ramasseur de balles perdues. Un jour, ces articles tomberont sous les yeux de l'adolescent, évidemment ça va lui faire très mal. Pour l'instant, ce qui lui fait mal, c'est d'assister à l'impuissance de son père malade, au désastre militaire de 1870, à la débâcle généralisée et à sa propre fuite vers l'Angleterre, via la Belgique, alors que le régime dont il était hier encore le vivant espoir s'effondre dans un climat de haine et de désolation. Fini la vie de prince charmant pour conte de fées modernes, Loulou va découvrir l'existence infiniment amère d'un prince déchu en exil, de quoi forger en lui une âme d'aventurier. Pour le prince impérial, désormais déchu, finalement, il n'aura pas connu si longtemps que ça les ors et la gloire de l'Empire. Pour lui, l'exil est d'autant plus pénible que rien, évidemment, ne l'avait préparé à cela. Voilà ce jeune héritier, petit-neveu du grand Napoléon Ier, habitué des palais impériaux et de la vie de cour, et qui n'imaginait son avenir, c'est tout naturel, que sur le trône de France. Le voilà réduit, du jour au lendemain, à l'existence précaire d'un jeune réfugié, vivant dans une maison bourgeoise du Kent, maison qui s'appelle Camden Place, on va en parler tout à l'heure avec Jean Descartes bien entendu. Il vit entre des parents dépressifs et d'anciens serviteurs partagés entre l'amertume et la pitié. Vous avouez que le tableau n'est pas très flatteur évidemment. Comme entrée dans la vie d'adulte, on a connu mieux. Pas étonnant que ce jeune homme n'ait bientôt plus à l'idée que de s'engager dans la première armée venue et d'aller confronter sa bravoure au feu d'un ennemi ou d'un autre. Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Zoulou, sorti en 1967. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions, par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag SEDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur le prince impérial, le fils de Napoléon III. Franck Ferrand, 14h-15h, sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du prince impérial. Alors, évidemment, l'exil, d'abord la défaite de 1870 et cet exil ont été extrêmement durs à vivre pour cet adolescent, mais bien plus encore, la mort de ce père qui déjà était un petit peu fantomatique, ça le place directement sous la coupe directe de sa mère. Alors vous me direz, il l'adore cette mère. Oui, c'est vrai qu'elle est tout pour lui. Seulement, peut-être par compensation inconsciente, elle a tendance à se faire de plus en plus autoritaire. Vous savez, l'impératrice Eugénie vivra longtemps, très longtemps, jusqu'en 1920, vous imaginez, c'est assez extraordinaire d'ailleurs. Mais elle va peu à peu devenir, on en parlera tout à l'heure avec Jean Descartes, elle va devenir une dame un peu acariâtre, forcément. Elle fait régner à Camden Place une sorte d'atmosphère funèbre, un peu étriquée, aussi funèbre et étriquée que l'ambiance à Paris était naguère légère et aérienne, si vous voulez. Eugénie en est encore à contrôler l'argent de poche de Loulou alors qu'il a 20 ans et même un peu plus. Pour un futur empereur, ou en tout cas quelqu'un qui devait se destiner à un tel office, vous avouerez que c'est dommage. L'échappatoire du prince impérial devant ce coup du sort, la mort de son père, c'est l'académie militaire de Woolwich, où il est inscrit depuis 1875, là, dans un esprit de jeunesse et d'aventure, il va côtoyer de jeunes Anglais de bonne famille qui le respectent et qui l'apprécient. En lui, La fibre militaire des Bonaparte se réveille, évidemment, et le jeune prince déchu, pour éviter de se laisser ronger par l'amertume, imagine des chevauchées héroïques, des reconquêtes dignes de son rang et de son sang. Or, en 1879, un événement banal en apparence va donner un début de réalité à ce rêve d'évasion. Le 11 février 79, donc, l'Angleterre apprend, comme un coup de tonnerre, la nouvelle du désastre d'Isandwana, en Afrique du Sud, où un régiment britannique vient d'être taillé en pièces par une horde de Zoulous dirigée par le roi Seteswayo. Aussitôt, le pays se mobilise contre cette insurrection, de ce qu'on appelle à l'époque des sauvages. Hein. C'est comme ça que c'est vécu à Londres, bien entendu. Et on met sur pied des renforts. Tout le monde veut en être. Le jeune prince, qui voit s'enrôler tour à tour la plupart de ses compagnons d'armes, rêve de partir lui aussi faire la guerre à l'autre bout du monde. Et sans parler, bien sûr, de tout ça, à sa mère, dont il devine la réaction au mot près, il effectue des démarches auprès des autorités britanniques pour être intégré à un régiment. Autant dire que le cabinet d'Israeli n'est pas enclin à froisser le gouvernement de la République française, ni à prendre la responsabilité d'un jeune soldat au nom tout de même un peu embarrassant, et le prince reçoit dans un premier temps une fin de non-recevoir. Qu'est-ce qu'on fait en pareil cas? Eh bien, Loulou va faire ce qu'il a toujours fait à la moindre difficulté, il va aller se plaindre à maman. Avec toutes les précautions d'usage, il explique donc à sa mère, l'impératrice Eugénie, son besoin d'aller faire la guerre contre les Zoulous, sa démarche discrète auprès des autorités britanniques et puis le refus sans appel qu'on lui a opposé. Et naturellement, comme il s'y attendait, Eugénie pousse Léo au cri, traite son fils d'inconscient, lui ordonne de chasser tout de suite cette idée-là de son esprit. « Tu ne voudrais tout de même pas me laisser seul après les épreuves que nous traversons ?» lui dit-elle. Seulement, la détermination du jeune homme est plus forte que tout ça. Et cette mère qui souffre de la situation réservée par le sort à ce fils qu'elle adore, cette mère qui s'en veut de n'avoir su lui léguer le trône à l'ombre duquel elle l'a élevé, cette mère plus intelligente, sans doute plus intuitive, plus humaine qu'on a bien voulu le dire, finit par céder aux caprices de son beau soldat de fils. Or, l'impératrice, quand elle s'occupe d'une cause, alors là, est la plus efficace des agents. La mort dans l'âme, certes, et à son corps défendant, mais avec la conscience intime d'œuvrer pour l'épanouissement de son enfant, elle va se rendre elle-même chez la reine Victoria et elle convainc la souveraine de faire pression sur son gouvernement pour donner satisfaction au petit. Ça tombe bien, parce que ce petit, la reine Victoria l'aime beaucoup, justement. Avec ses mèches châtains et ses grands yeux bleus très clairs, il lui rappelle peut-être un peu son regretté Albert du temps qu'il était jeune. Et puis après tout, c'est un petit peu grâce à elle s'il a vu le jour, n'est-ce pas? Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la grossesse de l'impératrice Eugénie. La reine Victoria va donc tranquilliser Eugénie, qu'elle rentre à Camden et qu'elle rassure Loulou. Les ministres vont voir, ils en ont l'habitude, de quel bois la reine se chauffe. Vous savez, quand la reine Victoria veut quelque chose, elle n'y va pas par quatre moyens. Elle ordonne, point final. Au passage, il faut savourer l'ironie de cette situation. Une reine d'Angleterre qui oblige son gouvernement à intégrer le petit-neveu de Napoléon sous le drapeau anglais. C'est quand même pas triste. Le grand-oncle doit se retourner un peu dans sa tombe. Il n'empêche, le Premier ministre est bien obligé de donner son accord pour que le prince Eugène Louis Bonaparte puisse se joindre aux troupes de sa gracieuse majesté en route pour le Zoulouland. Eugénie, au moment où elle apprend que sa démarche a été couronnée de succès, n'en fond pas moins en larmes. Il y a quelque chose de tragique, évidemment, dans cette situation. Quelque chose, je crois pouvoir le dire, de cornélien. Elle a tout fait pour obtenir ce qu'elle redoutait le plus. Elle regarde son fils, tout heureux de réunir son harnachement. Elle se dit qu'elle aurait préféré avoir une fille, tiens, finalement. Au dîner d'adieu à Camden, elle portera en broche le trèfle à quatre feuilles en émeraude et diamants que Napoléon III lui avait offert avant leur mariage. C'est un peu son porte-bonheur et elle se dit qu'elle le gardera sur elle jusqu'au retour de son fils. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et vous nous parlez, Franck Ferrand, du fils de Napoléon III, le prince impérial. Eh oui, ce prince impérial qui a mis un point d'honneur à reprendre pour son pactage les équipements utilisés par son père en 1859 en Italie et en 1870. Un de ses amis lui a fait remarquer que les sangles tenant la selle sont un peu usées. « Allons, dit le prince, elles feront bien encore cette campagne. » Il a tort de prendre ça à la légère, mais qu'est-ce que vous voulez? Il est tellement content. Il faut imaginer ce prince heureux sur le navire. Pourtant, le voyage par mer est long, ennuyeux, mais sa bonne humeur vainc tous les obstacles. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un recoin de ses bagages, il emporte avec lui la coupure fielleuse d'un journal français qui avait ironisé sur la fameuse balle de Sarrebruck. Et oui, sous ses dehors de bon garçon plutôt jovial, Loulou souffre en réalité d'une blessure à vif. Et évidemment, il va essayer de la faire cicatriser, cette blessure. Alors, il arrive à Cape Town, à Durban, et il assiste à plusieurs grands dîners, parce que alors évidemment, lui aurait adoré être intégré au régiment comme si de rien n'était, mais vous imaginez bien qu'il est le fils de l'empereur et de l'impératrice des Français, donc forcément, il est fêté partout, tous les gens en Afrique du Sud veulent le recevoir à dîner, etc. En deux semaines, néanmoins, il est sur pied, après avoir eu... après être tombé malade, au moment où Lord Chelmsford, qui commande la région militaire, rentre à son état-major après une tournée d'inspection, bien embarrassé quand même, entre parenthèses, ce monsieur, qui se retrouve avec un soldat d'origine française, recommandé par le Premier ministre, affecté par la reine en personne. Il décide de le nommer observateur dans son état-major, ce qui va permettre au prince de voir du pays, si l'on peut dire, sans trop s'exposer. Le prince est fou de joie. Avant de partir, il s'est acheté un nouveau cheval. Alors, il va... D'ailleurs, il dépense pas mal d'argent. Si sa mère savait ça, elle serait furieuse. Mais elle ne le sait pas. Elle est loin maintenant. Il a rejoint son poste. Il fraternise avec les jeunes officiers, ravis de compter un vrai prince dans leur rang. Il commence ses patrouilles de reconnaissance. Le 19 mai, il essuie une première confrontation avec des guerriers zoulous qui sont, il faut le dire, très maladroits. Qui connaissent pas bien les armes à feu, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand même, quelques balles passent assez près. Le prince montre tant de courage et de sang-froid dans l'affrontement que le major baptise le village, le Kral, comme on dit, Kral Napoléon. Vous voyez quand même, c'est un Anglais qui fait ça. Le samedi 31 mai 1879, veille du dimanche de la Pentecôte, le prince impérial est affecté à une patrouille vers Ulundi avec pour objectif la traversée de la Blood River, la rivière de sang. Le groupe comprenant 6 hommes, tous volontaires, est placé sous les ordres du capitaine Carey. L'après-midi du lendemain, le dimanche 1er juin, la petite troupe parvient au confluent de deux rivières où elle trouve un petit village, un kraal, apparemment déserté depuis peu. On met pied à terre, on va chercher de l'eau pour faire du café. Le prince commence tranquillement ses relevés topographiques, mais un des hommes vient d'entreapercevoir une tête crépue derrière les hautes tiges de maïs. Il faut vite lever le camp. Le prince impérial range ses crayons. Il se dirige vers son cheval. Quand soudain, surgissant des maïs, une cinquantaine de Zoulous le surprennent. La plupart des hommes ont tout juste eu le temps de mettre un pied à l'étrier. Un des soldats est touché par balle, il s'écroule. Un deuxième est désarçonné. Il est massacré sur place par les Zoulous. Les autres, pris de panique, s'enfuient au grand galop. Deux hommes seulement n'ont pas eu le temps d'enfourcher leur monture. Un nommé Le Toc, qui parvient quand même à grimper comme il peut sur son cheval. Et puis, le prince impérial, qui s'agrippe à la courroie de la selle, cette fameuse courroie usée, qui va céder et qui le laisse à ce moment-là seul face aux Zoulous. Dans sa chute, le jeune homme s'est blessé à la main droite, il a perdu son sabre. De sa main gauche, il tire 3 coups de revolver, mais ça n'immobilise pas longtemps les guerriers qui se précipitent sur lui, armés de sagaies. On retrouvera sur son corps les traces de 17 coups de sagaie, tous donnés en face, il faut bien le préciser. Et plus tard, quand on interrogera les Zoulous, ils diront que le garçon s'est défendu comme un lion. « Pourquoi dites-vous un lion ?» demandera l'enquêteur britannique. « Parce que c'est l'animal le plus courageux que nous connaissions. » Imaginez la stupeur et la consternation dans le corps expéditionnaire anglais à l'annonce de cette mort terrible. Lord Chelmsford est effondré, il ne cesse de répéter pendant une journée entière « I can't believe it, je ne peux pas le croire ». D'autant que c'est l'honneur de l'armée anglaise qui est en cause. Le capitaine Carey aurait-il manqué à ses devoirs? On peut se poser la question. Alors, on va mener des recherches. On cherche absolument à retrouver le corps qui a été très sommairement abandonné, on va dire. La dépouille du jeune prince finit par prendre le chemin du retour. Il faut vous dire que, évidemment, Lord Chelmsford va préparer des obsèques, évidemment, hein, pour le prince impérial. Mais avant la cérémonie, cérémonie, parvient un ordre du gouverneur, le corps doit être embaumé et ramené en Grande-Bretagne. Ce sont les médecins du camp qui procéderont à un embaumement de fortune. Donc la dépouille du jeune prince est accueillie à chaque étape par des salves d'honneur. Vous connaissez le goût des Anglais pour les cérémonies. Un peu avant la destination finale, le vieil Ullmann, agité de sanglots muets, est venu à la rencontre de celui qui était son maître. La scène est pathétique, on voit le vieux serviteur se jeter sur le cercueil avec des cris de douleur. On ne le forcera pas moins à reconnaître la dépouille. Et puis, ça y est, la dépouille en question prendra la mer. Et ça va être le retour, ça va être les obsèques en Angleterre. Une scène extrêmement poignante, évidemment. La reine Victoria elle-même est complètement bouleversée par ce qui s'est passé, évidemment. On pourrait dire que cette histoire pourrait s'arrêter là. Simplement, l'année suivante, en 1880, donc, l'impératrice Eugénie va profiter de la paix revenue aux Zoulouland pour entreprendre elle-même le voyage jusqu'au Natal afin de se recueillir sur le lieu même où son fils était tombé. Or, rien ne l'arrêtera, ni les fatigues, ni les fièvres, ni les campements inconfortables. Sur place, les officiers britanniques font leur possible pour mener cette mère éplorée sur les traces de la tragédie. Seulement, on n'arrive pas à retrouver l'endroit où ça a eu lieu. On n'arrive pas à retrouver le fameux quai. Et dit-on, c'est en tout cas la tradition militaire qui nous l'assure, le soir du 30 avril 1880, alors que la nuit approche, on dresse le camp de l'impératrice une fois de plus après des journées sans succès. On dresse le camp et autour d'elle, tout le monde depuis longtemps s'est découragé. Pas Eugénie. Dans la nuit, elle est réveillée par une senteur de verveine qu'elle connaît bien. C'est le parfum de son fils. Elle se lève, elle quitte sa tente comme guidée par cette effluve. Elle s'avance seule dans le petit jour à travers les hautes herbes. On la dirait guidée, on la dirait conduite. Quelques dizaines de mètres plus loin, la mère d'Eugène Louis s'arrête. Elle vient de retrouver, toute seule, sans l'aide de quiconque, un petit tumulus caché par des herbes. Ce tumulus qui avait été édifié l'année précédente à l'endroit précis où son fils était tombé, elle y aura été conduite par ce mystérieux parfum de verveine. Bonjour Jean Descartes. Bonjour, c'est Franck. Une histoire toujours très émouvante que la fin du prince impérial. Alors avec vous, on ne va pas seulement revenir sur les circonstances de cette mort, on verra également à quoi imputer tous les échecs du Second Empire. Mais et puis d'une façon générale, nous allons reparler de la jeunesse du prince impérial. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Sur Europe 1, un extrait de l'opéra Faust. C'était avant de quitter ces lieux que vous fredonniez merveilleusement bien. Oui, on parlera de Faust très bientôt, je crois que c'est la semaine prochaine en fait. Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du prince impérial, le fils de Napoléon III, avec votre invité Jean Descartes, historien, journaliste et écrivain, auteur notamment d'Eugénie, la dernière impératrice aux éditions Perrin. Je m'en veux Jean Descartes, parce que je vous ai interrompu, vous alliez nous parler justement de cet officier britannique qui n'a pas porté secours au prince impérial. Et il a été accusé. Ça fait Carré. Voilà, le lieutenant Carré qui avait reçu l'ordre du commandant Hutchinson, « You will look after the prince », vous veillerez sur le prince, qui n'est pas un combattant, mais qui a une valeur exceptionnelle pour nous. Et qui était là notamment pour faire ses relevés topographiques, puisque le prince impérial dessinait très bien et avait un sens de l'observation très précis. Alors le lieutenant Carré s'est enfui et a donc été coupable de lâcheté, de couardise. Il y a eu un procès en cour martiale. L'impératrice Eugénie est intervenue en disant « ça ne me rendra pas mon fils » et finalement cet officier a été muté dans l'armée britannique des Indes. Or il y avait une tradition dans l'armée des Indes, pour signifier à un soldat ou à un officier qu'il était lâche, on disposait sur son lit 4 plumes blanches. Et ça a donné lieu d'ailleurs à un fameux livre et un fameux livre, les 4 plumes blanches. Alors je dirais simplement que par un rappel terrible de l'histoire, Lorsque feu la princesse Diana, dont nous avons parlé à ce micro, avait confessé à la BBC son aventure avec un officier des gardes de la reine, cet officier avait trouvé le soir même sur son lit 4 plumes blanches comme signe de lâcheté. Fin de la parenthèse. C'est vous dire si ça avait fait beaucoup de bruit. Est-ce que ce carré avait était si coupable qu'on l'a dit? Non, non, bien entendu. La panique, la peur, la désorganisation et le fait, alors là Franck il faut y revenir, le fait que effectivement le prince impérial avait tenu à prendre la selle et les fontes qui avaient équipé le cheval de son père. On l'avait même dissuadé de ne pas prendre la selle d'apparat qui n'aurait rien servi à rien. Maintenant, on a accusé l'impératrice d'avarice et de lui avoir donné une selle, si je puis dire, d'occasion. C'était faux puisqu'elle lui avait ouvert à Londres, à la fameuse banque Baring, un crédit illimité. Simplement, elle trouvait que quand on portait ce nom, il fallait faire attention parce que le grand-oncle Napoléon Ier n'aimait pas les dettes. Oui. En fait, on peut dire que l'impératrice n'est pas tout à fait celle qu'on imagine. On dit que c'était une mère qui surprotégeait son enfant incontestablement, mais en même temps, c'est elle qui va réussir à le faire intégrer à l'armée britannique. Oui, on dit qu'elle était d'une avarice un peu sordide et qu'elle l'avait mal équipée. En fait, vous nous dites pas du tout, au contraire. Non. Si vous voulez, Franck, il faut rappeler que lorsqu'elle accouche, après un travail qui a duré plus de 12 heures... Nous sommes en 1856, elle a près de 30 ans, ça s'est très mal passé, elle sait qu'elle ne pourra pas avoir d'autres enfants. Quant à Napoléon III, à 48 ans passés, il était temps, c'est son premier enfant légitime, oui, il en avait eu d'autres. Bien. Certes. Cet enfant a le bon goût de naître pendant un événement politico-diplomatique mondial qui s'appelle le Congrès de Paris, qui vient de s'ouvrir à propos de quoi ? Eh ben, d'une région dont on parle beaucoup actuellement, la Crimée puisque déjà, ça solde la guerre de Crimée. Oui. Bien. Donc c'est le bonheur pour tous les bonapartistes, pour la majorité de l'opinion en France. Un enfant qui naît, la dynastie est assurée pendant le Congrès de Paris, dans le tout nouveau Quai d'Orsay dont la peinture était encore fraîche, et où qui montre que Napoléon III, s'il n'avait pas le génie stratégique ou tactique de son oncle, avait un génie diplomatique et était le maître de l'Europe. Alors, cet enfant va avoir, dans le fond, le drame d'être un fils unique. Ce sera terrible pour lui parce qu'il aura très peu de petits camarades, un ou deux, et il ne sera pas envoyé dans un lycée comme l'avaient été les princes, les enfants de Louis-Philippe. Il aura un précepteur qui n'est pas très doué pour la méthode d'enseignement en lui disant « On va réfléchir à ce qui vous est arrivé aujourd'hui, monseigneur. » Bon, alors, il faudrait quand même d'abord inculquer des notions avant de porter un jugement. Oui, c'était presque trop moderne plus tard. Déjà. Oui. Mais Loulou, le prince impérial qui adore l'armée, qui dessine, qui est très bon, est un garçon très vif et qui sait très bien ce qu'est la situation. Sur ses petites épaules repose un espoir insensé, la restauration impériale. Et je dis ça tout de suite parce que lorsqu'après la chute de l'Empire, il va se trouver comme prétendant sans vouloir l'être au milieu de bataille de la famille Bonaparte, il sera extrêmement discret, ne prenant pas parti en disant « Je veux servir la France, pas la sauver, la servir, seul Dieu peut la sauver. » Et s'il prend une telle importance dans le clan des bonapartistes, c'est parce que en face, je dirais, les républicains sont eux-mêmes divisés. Quant aux monarchistes, entre les légitimistes et les orléanistes, c'est un petit peu la pagaille. Il ne faut pas qu'on a tendance à oublier, mais en 1870, le Second Empire s'effondre. Mais on fait démarrer la Troisième République à ce moment-là. Ce n'est pas tout à fait la réalité. Ah puisque non, pas du tout. L'assemblée issue des urnes en février 1871 est une assemblée monarchiste, et qu'effectivement plusieurs prétendants au trône peuvent concurrencer, dont le prince impérial. Alors, dans un premier temps, Napoléon III évidemment est mis hors circuit, après la mort de Napoléon III, le prince impérial prendra de l'importance. Il y a juste une petite anecdote, Jean Descartes, puisque vous publiez vos ouvrages chez Perrin, à chaque fois que j'allais, maintenant la maison Perrin a déménagé, mais elle était avant... vous alliez rue Garancière. Et voilà, et je voyais cette petite, petite presse, qui avait servi au prince impérial, et il y avait une plaque qui disait presse miniature fabriquée pour l'éducation du prince impérial, et ça me fascinait de voir ça. Absolument. Ça veut dire quand même que l'éducation dont il a bénéficié était très soignée. Alors, elle était très soignée, et il a bénéficié de soins très en avance, parce que non seulement la reine Victoria avait recommandé une gouvernante anglaise, Miss Shaw, un véritable dragon, mais très compétent, mais surtout, il a été suivi par un personnage qu'on n'avait jamais vu chez les enfants impériaux, royaux, princiers, un pédiatre, le docteur Barthès. C'était tout nouveau, une grande nouveauté. Donc, il a été élevé dans les meilleures conditions possibles. On remarquera sa générosité, sa bonté. Chaque fois qu'il demandait une pièce d'or à son père, qu'il ne pouvait pas lui refuser, c'était pour la donner à un pauvre. C'est un garçon extraordinairement généreux, bien disposé à l'égard des autres. Que s'il y avait une bêtise qui était commise par un de ses petits congénères, il s'accusait lui-même pour ne pas punisse quelqu'un au hasard. Vous disiez justement, quels sont les camarades qu'on lui connaît? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein, oui. Le fils du docteur Conneau, et puis enfin, très très peu de garçons, et c'est pour ça qu'il va souffrir, et va connaître, je dirais, une solitude du prétendant, qui n'en est pas un, puisqu'il y a des bagarres dans le clan Bonaparte. En fait, c'est un garçon intelligent, doué, ouvert, très porté aussi sur l'exercice physique, qui aura un vélocipède très tôt, l'ancêtre de bicyclette, voilà, qui va faire du trapèze aussi, qui va faire des farces du temps de l'Empire. Il va faire monter un âne dans l'escalier du palais de Saint-Cloud pour le mettre dans la salle du Conseil des ministres. Ça n'aurait pas été peut-être plus mal d'ailleurs à ce moment-là. Et donc il est farceur, il est très intelligent, il est très fin, très isolé, si vous voulez. Il adore sa mère qui... Il faut bien le dire, lorsque l'ex-empereur meurt en 1873, elle se précipite dans ses bras, il est arrivé trop tard de l'académie militaire, elle lui dit « Loulou, Louis, je n'ai plus que toi, elle n'a que lui, cette femme qui a l'élégance, la dignité, la hauteur de ne rien dire sur tout ce dont elle est accusée et qui ne dira rien jusqu'à la Première Guerre mondiale. Vous trouvez que c'est un surnom convenable pour un héritier du trône, Loulou ? Non, mais ils en ont tous eu, et des pires. Mais c'était gentil, c'était affectueux, et ça voulait dire que quand il frappait à la porte et qu'elle faisait demander « Mais qui est là ?» et qu'il disait « C'est le prince impérial », elle préférait le faire descendre un petit peu son égo et lui dire « C'est Loulou ». Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du prince impérial, Loulou, le fils de Napoléon III, avec votre invité Jean Descartes, historien, journaliste, écrivain, auteur notamment d'Eugénie, la dernière impératrice, aux éditions Perrin. Quand on regarde Jean Descartes, tous les portraits, les tableaux officiels, les gravures de l'époque du Second Empire, et Dieu sait s'ils sont très nombreux, puisque la propagande du régime était très active, on voit à partir des années 1865, on voit presque partout le couple impérial avec le petit prince impérial, c'est-à-dire qu'il fait des visites officielles. Il participe à la vie de la cour et de l'État. À l'âge de 10 ans, il était convoqué pour les soirées de la cour. Alors s'il s'ennuyait, il prenait son petit calepin, il allait dessiner. Il a participé aux séries de Compiègne, ce qui lui a permis de faire des réflexions sur les gens qui passaient, de s'apercevoir que Gustave Flaubert avait grossi dans son habit, que Monsieur Pasteur était passionnant. Enfin, c'est une série de témoignages très, très intéressantes. Et comme il avait un joli talent de plumes, de crayons, il a laissé des portraits très émouvants dont un des grands spécialistes, Jean-Claude Lacnit, a très très bien parlé. Je vais vous dire, c'est un homme très émouvant dans le fond son destin. Je vais vous dire une chose tout de suite, pourquoi on ne le connaît pas. Alain Decaux, il y a 40 ans, avait posé la question dans un de ses ouvrages, connaissez-vous le prince impérial ? Personne, tout le monde connaissait l'Aiglon. Pourquoi ? Parce que, si je puis dire à titre posthume, l'Aiglon a eu la chance d'avoir Edmond Rostand. Le prince impérial n'a pas eu son Aiglon, son Edmond Rostand, voilà, pour écrire une pièce sur ce destin. C'est assez curieux. En plus, ce Bonaparte, qui va mourir de mort violente sous l'uniforme britannique, ce qui est quand même extraordinaire, et qui représentait une entente cordiale avant la lettre, tellement l'anglomanie chez Napoléon III était poussée, combien la reine Victoria avait été finalement séduite par Napoléon III, qu'elle avait fait chevalier de l'ordre de la Jarretière. Elle était sa marraine, du reste. Oui, absolument. Et donc c'est très très intéressant dans cette époque de voir comment la personnalisation, le phénomène dynastique, si vous voulez, l'être humain avant les institutions, avant les courants, avant les groupes, peut compter et aller contre. Il faut pas oublier pendant ce temps-là qu'il y a eu une rivalité terrible entre la France et l'Angleterre sur le canal de Suez et que les Anglais avaient tout fait pour saboter le travail de Ferdinand de Lesseps, qui était d'ailleurs le cousin d'Eugénie. Vous racontez très bien dans votre ouvrage qui a été primé, Grand Prix de la Fondation Napoléon, Eugénie, la dernière impératrice, chez Perrin, qui d'ailleurs a été réédité en collection Tempus. Vous montrez très bien que l'empereur lui-même attache une grande importance à l'éducation de son fils. On voit toujours Loulou comme l'enfant dans les jupons de sa mère. Il est aussi aux côtés de son père, qui lui apprend, qui lui donne des notions de géostratégie, qui lui donne des notions de stratégie tout simplement, notamment navale. Histoire très importante, voilà. Parce que on sait que la France de Napoléon III est une France à la recherche de ses racines. C'est le moment où il y a les recherches, même si elles sont contestables, sur Alésia. C'est le moment où la Gaule, si vous voulez, revient, où le Moyen-Âge, avec Mérimée, avec Viollet-le-Duc, ressort de terre. D'ailleurs, le petit prince impérial va porter, après la chute de l'Empire et en voyageant avec sa mère, le titre de comte de Pierrefonds, qui n'est pas un hasard, puisque le château de Pierrefonds avait été restauré pour être donné au prince impérial, ce château qui est à 15 km de Compiègne. Donc, de fantaisie, Viollet-le-Duc. Il y a une grande éducation quand Napoléon III écrit un commentaire sur la vie de Jules César et de ses relations avec les Gaulois. Il suit vraiment les leçons de son père. Il va visiter les champs de bataille avec lui, la géopolitique, la géographie. C'est un garçon qui est très informé et en même temps dont la famille, quoi qu'on en pense, a laissé une empreinte fantastique dans toute l'Europe. Alors ce qui est incroyable, c'est que pendant toute sa vie, que ce soit avant le désastre de Sedan en 1870, ou que ce soit après, pendant les quelques années d'exil, de formation militaire et donc de campagne en Afrique du Sud, sous l'uniforme britannique, pendant toute sa vie, ce prince aura été la cible privilégiée des adversaires de son père et du régime impérial. Il est un peu le défaut dans la cuirasse de Napoléon III, si l'on peut dire, et il subira un certain nombre d'humiliations. Vous racontez l'humiliation du prince impérial face au fils du général Cavaignac, par exemple, racontez ça. L'adversaire de 1848, qui a une distribution des prix, et bien ce fils de l'ancien adversaire, dans le fond, du prince président, du futur prince président, avait refusé d'aller chercher son prix en laissant le prince impérial tout seul sur l'estrade. Mais il faut bien comprendre que l'aventure napoléonienne est un courant absolument gigantesque dans tout le 19e siècle, malgré, je dirais, Waterloo, malgré Sedan. Lorsqu'il va visiter pour le centenaire de la naissance d'Napoléon, la maison natale à Ajaccio en 1869, il est vraiment accueilli comme l'avenir de la dynastie qui peut ramener une domination française en Europe, etc. Depuis le fameux congrès de Paris, j'en ai parlé. Mais alors, ça explique aussi que ce prince, ce garçon, cet adolescent, il a dû aussi se faire lui-même, après l'échec, lorsqu'il est élève de l'académie militaire de Woolwich, en juin 1875, il sort 7e sur 34 avec le grade de lieutenant, ce qui est d'autant plus difficile pour un étranger. Donc il se fait lui-même, il veut s'imposer, ce qui explique son engagement. Il veut être utile, il en a assez des combat bonapartiste pour les élections en Corse. Et puis surtout, je ne veux pas faire de psychologie à la petite semaine, mais j'ai l'impression qu'il a été tellement blessé, secrètement blessé, absolument, par toutes ces attaques, ce côté loulou dont on se moquait, un peu le fils à papa et à maman, etc. Oui. Ça le gênait tellement, il avait tellement envie de balayer tout ça, qu'il a foncé presque tête baissée dans les opportunités militaires qui lui étaient offertes. Et peut-être d'autant plus volontiers qu'il était d'ailleurs sous l'uniforme et le drapeau britannique. Absolument. Parce que... Et vous avez un élément qui est très révélateur pour montrer son caractère qu'il a dû forger face au quolibet, face au ragot. Et Dieu sait si la cour du Second Empire a été traînée dans la boue d'une façon absolument effrayante, que ça soit justifié ou pas. Un jour, dans une tempête au large du Pays Basque, entre Biarritz et le Pays Basque espagnol, le bateau était en très mauvaise position. Sa mère lui a demandé s'il n'avait pas peur. Il lui a dit « Je n'ai pas peur, je suis un Napoléon ». Et donc ce garçon va être très courageux, ce qui ne veut pas dire inconscient, car la veille de ce 1er juin 1879 fatal, il a écrit à sa mère et il avait rédigé son testament. Donc au cas où. Mais il voulait être utile. Et à mon avis, rendre service à la couronne britannique et à la reine Victoria, donc c'est une fatalité parce que tout le monde s'est senti coupable et ça a été la ruine d'un espoir pour une bonne partie de la population française, comme le renoncement du comte de Chambord, si vous voulez, une autre partie. Oui, bien sûr, oui. Il faut bien comprendre qu'avant que la République soit installée, elle n'est tout de même pas très confortable par rapport à des épopées des siècles d'histoire. Alors justement, cette république ne fera jamais revenir les dépouilles impériales. Je n'ai pas raconté tout à l'heure les obsèques du prince impérial. Alors, ce sont des scènes très émouvantes. Les obsèques vont être absolument grandioses et honneur exceptionnel. Enfin, la reine Victoria y assiste. Ce qui est une entorse au protocole, mais c'était du genre à dire « We are not amused si vous m'embêtez ». Bon. D'autre part, elle va faire des statues. Il y en a des fantastiques. Il y a une statue du prince impérial dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, c'est-à-dire le cœur de la nécropole de la dynastie. Et alors, il y en a à la Malmaison, il y en a un peu partout en Angleterre, mais là, dans le château de Windsor, c'est tout de même absolument fantastique. Et ensuite, l'impératrice va faire construire une église avec une crypte à Farnborough, après avoir quitté Camden Place, où reposeront Napoléon III, le prince impérial et elle-même en 1920. Et c'est très émouvant. J'ai travaillé dans cette église, dans cette crypte. J'ai été la visiter comme j'avais travaillé à Camden Place. Parce que chaque samedi après-midi, les pères capucins font visiter pour les Français, pour les voyageurs qui passent. Il n'y avait pas grand monde quand j'y suis passé la dernière fois, 5 personnes. Et il faut bien le dire que le gouvernement britannique respecte les dispositions du testament de l'impératrice Napoléon III, qui voulait rester sur le sol britannique qu'il avait si bien accueilli. Voilà, ça c'est très important, mais vous imaginez, il y a deux points à rappeler, c'est que le soldat, l'officier prince impérial Bonaparte, qui n'avait pas de fonction de commandement, qui n'était qu'un observateur et qui a été abandonné par lâcheté d'un officier, va être enterré avec l'Union Jack, le drapeau britannique, comme le sera en 1920 sa mère, car le gouvernement français, avec Clémenceau, refuse des obsèques solennelles à l'impératrice, et c'est le roi Georges V, furieux et scandalisé, d'autant que l'impératrice était magnifiquement comportée avec les soldats britanniques en ouvrant ses propriétés pour en faire des hôpitaux, etc. Donc voilà, deux Bonaparte, une pièce rapportée et un héritier direct qui meurt avec les honneurs officiels dans le drapeau britannique. C'est quand même une ironie de l'histoire. C'est ce que l'ancien locataire de Sainte-Hélène doit en penser. Oui, ça évidemment, c'est incroyable. C'est même un raccourci, là. Mais c'est très émouvant. Je vous dis, il n'a pas eu son Edmond Rostand, le prince impérial, qui est un personnage très intéressant et qui est un Bonaparte qui meurt d'une façon violente au combat. Alors, pour un autre pays. On peut trouver un certain nombre de ces reliques à Compiègne, au musée du Second Empire. Il y a notamment la tunique percée des coups de Saguet. Et il faut bien dire, vous l'avez rappelé, Franck, c'est qu'il a fait face à ses adversaires. Donc les 16 ou 17 coups de Saguet reçus devant, il a été courageux, il est bien mort comme un lion. Jean Descartes, Eugénie, la dernière impératrice, s'est réédité chez Tempus, la collection de poche des éditions Perrin, et en 2001, ça avait obtenu le grand prix de la Fondation Napoléon. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Sophie sur les origines du poste de maire de Paris. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Sophie, qui nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait connaître les origines des maires de Paris. Alors avant de répondre à Sophie, je voulais d'abord rendre hommage à Philippe, qui pendant quelques semaines faisait partie de notre équipe. Il était stagiaire au cœur de l'histoire. Et donc c'est lui qui m'a aidé ces derniers temps à préparer ses réponses à tous nos auditeurs pour connaître les retours aux origines. Alors, en l'occurrence, les maires de Paris, c'est très particulier. Vous savez que si les armes de la ville de Paris comportent cette nef, ce navire, c'est que pendant très longtemps, la corporation, on appelait des marchands de l'eau, qui étaient en fait les nôtres de Paris, a joué un rôle très important. Quand je dis pendant très longtemps, ça remonte même à l'Antiquité. Ces gens avaient la possibilité de percevoir des droits sur l'ensemble du trafic de la Seine, et donc ça en faisait des gens extrêmement puissants. puissants. Et ils avaient leurs propres autorités et leurs propres juges, notamment le prévôt des marchands. Alors d'où venait ce prévôt des marchands? Mais il vient de Saint-Louis. En fait, Saint-Louis veut instituer une justice royale égale partout, dans tout le royaume. Et il se dit que le seul moyen de le faire, c'est de reprendre les différentes petites justices. Donc, il va instaurer à Paris une justice royale et en compensation, il va donner aux marchands un prévôt qui jugera des affaires personnelles. Et pendant des siècles, jusqu'à la Révolution française, celui qui va faire office de maire de Paris en quelque sorte, ce n'est, si j'ose dire, que le prévôt des marchands. Ça va durer jusqu'au dernier des prévôts des marchands, Flessel. Alors, il y en a eu un quand même qui s'est beaucoup illustré, c'était évidemment c'était Étienne Marcel au XIVe siècle qui a mené une véritable révolution. Et d'ailleurs, si les couleurs de la ville de Paris sont rouge et bleu, c'est parce que le chaperon d'Étienne Marcel était rouge et bleu. Et puis donc, Flessel, vous savez, le 14 juillet 1789, au moment de la prise de la Bastille, Flessel est décapité par la foule, on promène sa tête au bout d'un pic. On est un premier maire de Paris, et voilà l'origine révolutionnaire des maires de Paris. Ce sera Jean-Sylvain Bailly, qui lui-même subira mauvaise fortune plus tard à la suite de l'affaire du Champ de Mars, sur laquelle je ne m'étendrai pas. Ce qu'il faut vous dire, c'est que pendant toute la Révolution, on va nommer toutes sortes de maires, on va même en élire un certain nombre, et puis quand Napoléon siffle la fin de la récréation, enfin Bonaparte, une fois de plus, il supprime lui le maire de Paris. Il installe simplement un préfet et un préfet de police parce qu'il estime que les affaires des Parisiens doivent être gérées par des maires d'arrondissement et que les affaires de la capitale de la France doivent être directement gérées par la France. Bon an, mal an, et hormis quelques épisodes républicains, c'est ce qui va se durer jusqu'en 1975, loi du 31 décembre 1975, qui va instituer de nouveau un maire de Paris. Le premier de ces maires de Paris modernes, ce sera, vous le savez, en 1977, Jacques Chirac. Lui succéderont Jean Tiberi et Bertrand Delanoë. Mais vous voyez que finalement, la fonction est à la fois très républicaine, au sens propre du mot, et relativement récente.